rip up. Je suis une victime, j'suis pris en otage. Peu importe les faits, mes rimes, un ramassis de gaspillage. Chaque journée, j'dois dealer avec l'orage, yo. C'est mon mental qui s'aggrave et puis imprégné depuis l'adolescence. Mon cerveau se gave de boom bap beat. Tu connais déjà la cassette, j'ai la rage champion. Pour toi c'est dommage, parce que t'es le pion sur l'échiquier. On parle de bon rap versus rap avarié. Moi j'suis pas trop pour l'équité, avis aux fins casse. Il est l'heure pour vous de nous quitter. Crise de roue, qui retourne pratiquer. J'te renvoie sur le dernier, si t'as pas d'amis. Pas trop aimé, tu sais que t'es déjà donné. Je viens tout près de ma liste, comme Damien fils du malin. J't'amène plein de malheur, quand j'dis que j'rappe pas en valeur au métro. J'retourne mon mic de bord pour t'empaler, petit présent du gros. Vas-y, déballe ton joli cadeau. Est-ce que toi aussi, tu le sens comme étant un champion? Lève tes bras dans les airs et vas-y, monte le son. Donne-toi au maximum, avec un gros shot de rhum. On est des champions, on est des champions. Est-ce que toi aussi, tu te sens comme étant un champion? Lève tes bras dans les airs et vas-y, monte le son. Donne-toi au maximum, avec un gros shot de rhum. On est des champions, on est des champions. Même sans porter de masque, on reconnaît pas les deux faces. Peu importe ta race, malgré si t'as de la badass. Vas-y, pop ton wasp, baby, je veux l'avoir dans ma face. Les gens ont pas d'audace, c'est ça le syndrome de la masse. T'as-tu un problème d'ouïe, on dirait que t'as mal vieilli. T'as peut-être mal cuit, ou peut-être que t'es mal mis. J'me demande ben si t'as entendu un bruit. C'est un gruissant pis gros qui débarque pour te péter une lappe. J'ai l'impression que ben du monde, toi tu es un 2 watts. Faut que tu te brises les deux pattes, let's go, blessure immédiate. On s'en crisse de ton bat, tu vas voir du sang écarlate. J'suis un champion des rimes, je peux t'en faire en mime. J'suis pas anonyme, j'te dis ça de façon sublime. Tu peux me voir à la haute cime, j'ai pas peur d'être minime. Façon les petits cons s'inclinent, j'talk toujours en mainstream. Façon les petits cons s'inclinent, j'talk toujours en mainstream. Est-ce que toi aussi, tu le sens comme étant un champion? Lève tes bras dans les airs et vas-y, monte le son. Donne-toi au maximum, avec un gros shot de rhum. On est des champions, on est des champions. Est-ce que toi aussi, tu te sens comme étant un champion? Lève tes bras dans les airs et vas-y, monte le son. Donne-toi au maximum, avec un gros shot de rhum. On est des champions, on est des champions. Yo!